traverser le monde entier. Voudrait retrouver ses racines bientôt. Cette petite graine, elle a germé, déracinée mais bien arrosée par ses parents qui n'étaient pas jardiniers. Donnèrent tout leur amour à cette plante délaissée. Sarah Bigotte, Sarah Bonnie, de retrouver sa souche. La misère et les...